Le VITCORON, le comité national nigérian d'études du kim-il-sunisme et kim-jong-unisme, l'amicale du Bénin, vive le général Kim Jong-il, et le comité national béninois d'études des idées du Juche, ont publié une déclaration commune contre les autorités sud-coréennes qui ont kidnappé collectivement nos citoyennes et recours aux séductions, tromperies, menaces et chantages contre elles.